de mon mieux pour que ça sorte pas une partie de crap. On m'a dit, rien n'est acquis, y'a pas de soluce dans un ouinge de pops. Rien de pire que le manque de peps, vu le nombre de fois où j'ai refait le monde. Tout disparaît dans un nuage de fumée. J'évolue dans ce paysage sombre, les trois quarts du temps enrhumé. Je rappe depuis v'là le temps, j'ai jamais su où ça allait m'emmener. Partager mes idées, communiquer, éviter de tourner en rond. Voir du pays, rencontrer de bons gars, de chouettes raclis, éviter de bâcler, de me faire tacler. J'ai aussi croisé un paquet de zombies, failli finir zombie. Suffit pas toujours d'un sursaut d'orgueil et de bomber le torse. Quand ça se corse, j'ai toujours pas décodé le morse. Toujours autant besoin de force, d'amour, d'affection. Elle fait si souvent défection. Difficile de s'en passer, de vivre sans, les sentiments sont puissants. Nier l'évidence par fierté, c'est épuisant. Pas encore déserté les studios, ça débecte d'entendre autant de daubes. J'écoute plus la radio, je passe de moins en moins de temps au tchécar. J'oublie rien, tant de vie qui tente vers rien, moi je veux pas perdre l'espoir. Des nœuds montent dans leur collimateur, prêt au pire, ces sans cœur ne me souhaitent pas le meilleur. Ici la mort plane, tant de mecs perdent la lueur dans le regard, s'égare. Je compte plus les histoires de chétan, la tise a fait des ravages de psychopathe. Y'a plus grand chose à attendre de types qui font l'apologie de la cuite. Y'a pas de temps à perdre, je me sens impuissant. Y'a plus grand chose à faire quand on est noyé aussi profond. Pourtant c'est pas le moment de se mettre dans tous ces états, le monde change. Faut apprendre à s'accepter, à surmonter pour donner le change. Plus qu'assez de se donner en pâture, plus qu'assez d'être cassé, balayé comme un tas de tordures. On voit la misère partout dans la capitale, à chaque coin de rue, sur les trottoirs, un spectacle navrant. J'ai jamais vu autant de mendiants, c'est inacceptable. Comme la précarité des étudiants, sans ressources et sans logement. Les forces vives de demain s'enfoncent dans les sables mouvants. La part de rêve qu'offrait la ville aux provinciaux se transforme en une machine à broyer, c'est pas niveau. Une file d'attente de mecs gerbandant le caniveau. Mais barrez-vous, on vous traite comme des animaux. Les services publics disparaissent les uns après les autres. Des fumistes, des standardistes qui dans leur fauteuil se vautrent. Absorbés par MSN et Facebook, elles se foutent de tout, omnibilées par leur apparence et leur look. Si la bonté est une faiblesse, je suis distant plutôt que distrait. J'ai pas fini de payer mes erreurs passées, l'aboutissement. On est à la croisée des chemins, perdu au milieu de nulle part, sans boussole, sans parchemin. Pas de projection, c'est inutile. J'ai déjà l'impression d'évoluer dans un film de science-fiction. Pourquoi on nous refoule? Pourquoi on se fait enfiler à ce point par des fourbes? Pourquoi tout le monde se court? On se retrouve jusqu'au cou dans le bourbier. On est libre de rien, besoin d'un kit main libre et d'un calibre. Je ravale ma salive.